Lettre 14e. Le jardin des Tuileries, le légitimiste, le doctrinaire, le républicain, les enfants, toilette des femmes, celle des hommes, cheveux noirs, libre entrée, anecdote. Y a-t-il rien au monde que l'on puisse dire avec sincérité ressembler au jardin des Tuileries? Je ne le pense pas. C'est un ensemble composé de tant de traits fortement marqués et qui lui sont particuliers, que je ne conçois pas la possibilité de rien trouver qui puisse s'y comparer. À mon avis, il n'y a pas sur la terre de lieu plus délicieux, et quoique le premier charme de la nouveauté soit depuis longtemps passé pour moi, je n'y entre jamais sans éprouver une sensation nouvelle de plaisir. Le local lui-même, indépendamment de la foule remuante qui paraît l'habiter sans cesse, est fort à mon goût. J'aime tous les détails de ses embellissements, et j'aime surtout l'aspect brillant et heureux qu'offre leur réunion. Je sais pourtant qu'il y a différents avis sur ce point. Bien des gens ne peuvent souffrir les lignes droites, les arbres peignés, les parterres compassés, les vilains toits, que dis-je. Il y a des personnes qui se permettent d'insulter jusqu'aux vénérables orangers eux-mêmes, parce qu'ils croisent dans des caisses carrées et ne balancent pas le rameau au vent comme des saules. Mais il n'y a pas un seul de ses reproches dont je veuille reconnaître la justice, et je trouverais tout aussi raisonnable de critiquer l'abbaye de Westminster parce qu'elle ne ressemble pas à un temple grec, que de reprocher aux Tuileries d'être dessinée à la manière des jardins français au lieu de l'être comme un parc d'Angleterre. Quant à moi, j'avoue que quand j'en aurai le pouvoir, je ne voudrais pas changer la moindre chose à cet agréable lieu. À quelque heure du jour et par quelque côté que j'y entre, il semble me recevoir toujours avec le sourire de la gaieté. Nous laissons rarement passer un jour sans nous rafraîchir les idées, en demeurant pendant quelque temps assis sous ses ombrages et auprès de ses fleurs. En venant du quartier de la ville que nous habitons, c'est la grille en face de la place Vendôme qui est l'entrée la plus proche, et il n'y a peut-être pas de point d'où la vivante beauté de la Seine se fasse mieux voir que de dessous la voûte de verdure de la terrasse avec laquelle cette grille communique. À droite, on a le sombre massif d'arbres non taillés, qu'enrichissent en ce moment les fleurs du marronnier d'Inde, et qui s'élèvent avec autant de hardiesse que le jardinier le plus anglais au fond du cœur le pourrait désirer. Traversant leur long et délicieux ombrage, l'œil pénètre jusqu'à la magnifique grille qui conduit à la place Louis XVI. À gauche est la vaste façade du château des Tuileries, dont on est tout disposé à oublier ce que les toits ont de disgracieux quand on contemple la beauté du jardin qui s'étend à leurs pieds. Et puis, précisément à l'endroit où cesse l'ombre des grands arbres et commence le brillant éclat du soleil, quelle multitude de fleurs délicieuses s'épanouissent à ses rayons. Dans la saison où nous sommes, on ne voit partout que des lilas, et chaque souffle de vent nous embaume de leur doux parfum. Ma promenade est à peu près la même tous les jours. Elle me plaît tant que je n'aime point à en changer. Je suis d'abord la terrasse ombragée par laquelle nous entrons jusqu'au point où elle s'abaisse au niveau de la magnifique esplanade qui règne le long du château. Je tourne ensuite sur la droite et je supporte l'éclat éblouissant du soleil jusqu'à ce que nous arrivions à la majestueuse allée qui conduit du guichet du centre à travers des fleurs, des statues, des orangers et des bosquets de marronniers à perte de vue, n'offrant à l'œil pour point de repos que l'arc de triomphe de la barrière de l'étoile. Ce coup d'œil est si beau que je ne puis me lasser de le contempler. J'avoue que je suis nombre des personnes qui aiment les jardins peignés. J'aime l'élégance étudiée, la grâce soigneusement choisie de chaque objet qui frappe les regards dans un lieu comme celui-ci. J'aime ces nobles plantes exotiques, cultivées avec tant de soin, ces vieux orangers placés majestueusement en longues rangées. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont ces groupes de marbre qui tantôt se dessinent sur l'azur du ciel et tantôt se cachent à moitié sous l'ombre épaisse des arbres. Tout semble respirer le bon goût, le luxe et la gaieté. Après qu'on s'est avancé à pas lents depuis le palais jusqu'au point où la clarté du soleil cesse et où l'ombre commence, un nouveau genre d'intérêt et d'amusement vous attend. Des milliers de chaises éparses sous les arbres sont occupées par une variété interminable de jolis groupes. Je voudrais bien savoir pendant combien longtemps il faudrait que je vinsse aux Tuileries pour commencer à me fatiguer d'étudier l'ensemble et chaque partie séparée de ce brillant tableau. Comme spectacle, il est réellement d'une beauté sans pareille, et il possède en outre un intérêt extrême comme étude nationale. Ici, l'on peut voir et examiner tour à tour Paris, et nulle part il n'est aussi facile de reconnaître les modèles des classes variées et fortement marquées qui se rencontrent dans le peuple. Ce matin, nous avons pris place sur une demi-douzaine de chaises sous les arbres qui font face au joli groupe de Petus et Aria. C'est à l'heure où les divers journaux sont le plus recherchés, et nous eûmes la satisfaction d'épier la lecture de trois individus, chacun desquels aurait pu servir de modèle à l'artiste qui aurait voulu donner une idée de leur caractère distinctif. Il était évident que pendant la demi-heure que nous restâmes à cette place, nous avions vu un royaliste, un doctrinaire et un républicain se délectant à lire pour deux sous de politique, chacun dans le genre qui lui allait le plus au cœur. Un vieillard raide et d'un air distingué arriva le premier. Ayant demandé un journal au petit pavillon octogone, il alla s'asseoir à peu de distance de nous. Sans y regarder, nous étions bien sûrs que ce journal était ou la France ou la quotidienne. Je ne vous dirai pas pourquoi, nous nous sentîmes si convaincus que c'est un légitimiste que nous voyions, mais ce qui est certain, c'est qu'aucun de nous n'en douta un seul instant. Il avait une manière tranquille de se tenir à l'écart, manière où la fierté se joignait à la mélancolie. Il avait aussi la physionomie aristocratique, le teint pâle et soucieux, et un costume que jamais homme du commun n'a porté, mais qu'aucun homme riche ne porterait aujourd'hui. C'est là tout ce que je puis dire de lui. Mais il y avait dans l'ensemble de sa personne quelque chose de trop essentiellement royaliste pour pouvoir être méconnu et pourtant trop délicat de ton pour pouvoir être peint à grands traits de pinceau. Je ne connais point cette personne, mais si jamais je découvrais que c'était un doctrinaire ou un républicain, je renoncerais pour toute ma vie à juger les hommes sur la physionomie. Celui qui après cela s'approcha de nous était bien évidemment un républicain. Mais cette fois, la découverte ne fit pas un grand honneur à notre discernement, car ces sortes de personnes n'ont pas la prétention de nous laisser de doute à leur égard. Il n'y a pas dans tout leur extérieur un point qui ne découvre un symbole, une marque, un signe de ralliement, une idée de la démence dont ils sont possédés. Lui aussi tenait un journal à la main, et sans oser risquer d'approcher de trop près d'un personnage si effrayant, nous ne craignîmes pas de nous dire les uns aux autres que la feuille qu'il lisait était certainement le réformateur. Comme nous venions de décider quel était ce personnage qui passait devant nous avec une démarche si majestueuse, nous vîmes arriver un bourgeois de bonne mine, vêtu de l'uniforme de la garde nationale. Il venait prendre sa ration journalière de politique, de l'air d'un homme qui était sûr d'avance qu'il serait content de ce qu'il allait apprendre, mais qui, cependant, l'était trop de lui-même pour prendre beaucoup de soucis des affaires de l'État. Chaque ligne de la joyeuse face de cet homme et chaque mouvement de son corps arrondi indiquait le bonheur et le bien-être. Il appartenait probablement à la race si nouvelle en France des marchands faisant rapidement fortune. Pouvions-nous douter que la feuille qu'il nous tenait fût le journal des débats? Pouvions-nous croire que cet homme fût autre chose qu'un heureux doctrinaire? C'est ainsi que, sur le terrain neutre de ce délicieux jardin, les esprits les plus opposés se rencontrent impunément, et quoiqu'ils ne se mêlent point, ils jouissent en commun du doux privilège d'un frais ombrage, d'un bon air, de la lecture d'un journal dans un beau jardin, au milieu d'une ville populeuse, divisée en plusieurs parties, et pourtant avec autant de certitude de ne pas être dérangé ou interrompu que si chacun d'eux errait seul dans une de ses propres terres. Les personnes qui ne sont pas trop disposées à l'hypocondrie peuvent aussi trouver en ce jardin des sujets d'études variés, en examinant les mœurs des petits maîtres et des petites maîtresses en miniature, qui, à certaines heures du jour, remplissent par essaim, comme autant d'oiseaux-mouches, les allées des Tuileries. Ou bien ces petits personnages français savent merveilleusement se comporter, ou bien ils sont soumis à quelque stricte surveillance qui les empêche de crier, car il est certain que je n'ai jamais vu tant de petits êtres rassemblés sans se livrer à ce salutaire exercice des poumons dont le retentissement nous fait d'ordinaire tressaillir à l'approche de la douce enfance qui ne sait que pleurer, comme dit le poète. Les costumes de ces jolies créatures ne contribuent pas peu à mon amusement. Il est souvent si bizarre que l'on dirait de petits masques. Ainsi, j'ai vu de jeunes garçons jouer au cerceau en uniforme complet de la garde nationale, d'autres en costume écossais, et d'innombrables petites dames dont la mise n'avait absolument rien d'enfantin. Mais le plaisir que l'on trouve à étudier les costumes au jardin des Tuileries ne se borne pas à ceux de la portion la plus jeune de la société. Dans aucun pays, je n'ai rien vu qui approche de la manière grotesque dont s'habillent quelques-unes des figures que l'on rencontre à chaque instant dans ces allées. Mais ces étranges fantaisies sont exclusivement bornées à la population mâle. Il est bien rare de voir une femme ridiculement mise, sous quelque rapport que ce soit, et quand cela arrive, on peut toujours parier sans contre un que ce n'est pas une Française. Un air d'élégante simplicité est, selon moi, le caractère qui frappe le plus dans le costume que les dames françaises adoptent pour la promenade. Il me paraît qu'elles s'attachent beaucoup plus aux détails qui donnent le fini à la toilette d'une femme qu'au point plus important de la pelisse et de la robe. Toutes les femmes que vous rencontrez sont bien chaussées et bien gantées. Si leurs rubans ne sont pas pareils à leurs robes, ils s'accordent du moins toujours avec elles. Et quant à tous les objets délicats de lingerie qui sortent de la main de la blanchisseuse, il semblerait que Paris est le seul lieu de la terre où l'on sache repasser. En revanche, les bizarres caprices de la toilette des hommes passent tout ce qu'il serait possible de dire. On croirait que l'air de Paris possède une qualité particulière, qui noircit tous les favoris, moustaches ou impériales renfermées dans ses murs. À les voir de loin, tous les jeunes gens semblent s'être enveloppés la figure de ruban noir pour guérir une enflure des glandes. Et quoiqu'en général cette chevelure noire soit fort belle, l'effet en est aujourd'hui singulièrement diminué par son universalité. Quand tous les hommes ont la figure à moitié couverte de cheveux ou de poils noirs, cette couleur cesse d'être une distinction fort précieuse. Peut-être aussi les annonces dont les journaux fourmillent de compositions infaillibles pour donner aux cheveux toutes les couleurs, excepté celles que le bon Dieu leur avait départies, contribuent-elles à rendre suspect cet ornement jadis si séduisant des peuples du Midi. Je suis bien convaincu que dans le moment actuel, un homme comme il faut, des régions septentrionales, avec une barbe rasée de près, vaut son prix dans un salon de Paris, quand ce ne serait que pour la rareté du fait. On ne saurait nier que les glorieuses et immortelles journées n'aient un peu nuit à l'apparence générale du jardin des Tuileries. On était auparavant beaucoup plus sévère sur le costume des personnes que l'on y admettait. Mais il paraît que la liberté et la malpropreté de la mise sont inséparables dans l'esprit de la populace souveraine. Que dis-je, souveraine? Non, la populace n'est encore que vice-reine à Paris. Mais du moins, elle a eu assez de pouvoir pour obtenir, comme une marque de respect et de faveur particulière, l'entrée de bien des lieux où elle n'était pas admise autrefois. Ce qui donne à ces lieux l'apparence de l'arche de Noé, où entraient à la fois les animaux purs et les immondes. On assure qu'avant cette réforme, la consigne qui ordonnait aux factionnaires de renvoyer toute personne mal mise donna lieu un jour à une malice spirituelle de la part d'un de ces factionnaires. Un jeune homme du suprême bon ton s'étant présenté à une des grilles du jardin, la sentinelle, croisant la baïonnette, lui dit « On n'entre pas !»« On n'entre pas !» s'écria le petit maître en regardant le merveilleux résultat de sa laborieuse toilette. « Et pourquoi n'entrerai-je pas ? Que voulez-vous dire ?»« Mes ordres sont précis, » répondit la sentinelle. « Précis, de me refuser, moi. Précis, de refuser qui que ce soit que je trouverais mal mis. »